TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. TSF Jazz. Tout le jazz est ici. Dream beside me in the midnight glow. The lamp is low. Dream and watch the shadow come and go. the lamp is low. While you linger in my arms, my lips will sigh, I love you so. Dream the sweetest dream we'll ever know. Tonight the moon is high, the lamp is low. Ah, dream beside me in the midnight glow. The lamp is low. I said dream and watch the shadows come and go. The lamp is low. Ah, while you linger in my arms, my lips will sigh, I love you so. Dream the sweetest dream we'll ever know. Tonight the moon is high, the lamp is low. Dream beside me in the midnight glow, the lamp is low. Dream and watch the shadows come and go, the lamp is low. You linger in my arms, my lips will sigh, I love you so. Dream the sweetest dream we'll ever know. Tonight the moon is high, the lamp is low. The lamp is low. Cet accompagnement de piano qui fait penser au riff de Milestones de Miles Davis, vous aviez sûrement reconnu ça. C'était Oscar Peterson au piano, son groupe, et puis surtout devant le chanteur Bill Anderson pour cette belle version de The Lamp Is Low. TSF Jazz, dans quelques instants, on ouvre Sonic Creed, le nouvel album du vibraphoniste Stephen Harris, l'un des meilleurs vibraphonistes américains d'aujourd'hui. Il doit beaucoup au grand Bobby Hutcherson qui nous a quittés il y a quelques mois et à qui il rend hommage tout au long de cet album qui s'appelle Sonic Creed. Très varié, Stephen Harris joue aussi du marimba. Ça donne un petit côté exotique à l'affaire. On écoutera un morceau tout à l'heure, très beau morceau qui s'appelle Chasing Kendall. Il y aura aussi Dizzy Gillespie sur TSF Jazz avec Desafinado. À tout de suite. TSF Jazz présente sa collection 100% Jazz. She gets too hungry for dinner at 100% crooner, 100% diva, 100% swing. Trois volumes, 100% vinyle. De Frank Sinatra à Gregory Porter, en passant par Count Basie, Billie Holiday ou Melody Gardot, trois doubles albums pour revivre avec la chaleur du vinyle les plus grandes heures du jazz. 100% Jazz, la collection vinyle de TSF Jazz, disponible dans les points de vente habituels et en digital. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui aiment la planète, mais aussi le cachemire. On offre 100 euros sur le lave-linge Samsung 7 kg, ultra économe et efficace à basse température, soit 399 euros. Pour faire les bons gestes au bon prix. Conforama, jusqu'au 28 janvier, conditions en magasin et sur conforama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Bon bah... On est dans les choux, c'est ça ? Dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 1,19€ la pièce. Non ! Ah si patron, 1,19€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien. Des soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Oh, pardon, patron, mais 1,19€, on est mal. T'as arrêté ? Ah oui, mais là, on est très mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Picard. La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pur beurre qui croustille. La frangipane amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année... Je compte bien être couronné. En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipane pour 6 personnes à seulement 5,95€, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le plus grand jazz club au monde. Ouvert 24 heures sur 24. Vous écoutez TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. TSF Jazz. Tout le jazz, 24 heures sur 24.